C'est la troisième fois qu'elle se suicide. La première fois la scène, la deuxième fois l'électrocution, et puis ce coup-ci, bam ! L'eau, le gaz et l'électricité. Bah oui.